un père qui va partir bientôt pour le grand voyage d'en haut, parce que les années en font trop. Chantez quand même. Je me souviens de son regard. Que m'a-t-il dit? Mais c'est trop tard. Petit, n'oublie pas ta guitare. Chantez quand même. Était plein d'éclats de rire et de promesses à tenir. Chantez quand même. Mais au carrefour d'un matin sale, sur une route nationale, ce n'est qu'un fait divers banal. Chantez quand même. Pour ceux qui croient.